Carnet de campagne, bonjour. Dernière journée en Seine-Saint-Denis, en préambule de nombreuses activités autour de l'image. On commence par la fac de Villetaneuse, comme on l'appelle communément, et plus sérieusement, Université de Paris Nord 13. C'est Mathilde qui nous envoie un courrier pour nous parler d'une collègue professeure de littérature comparée, Anne Larue, qui a instauré depuis 2 ans un master professionnel sur les métiers de la culture et de l'image, le master MTI, traduire par médiation, texte, image. Dans cette formation bien spéciale, les étudiants abordent les métiers de la communication et de la médiation culturelle avec 2 dérivés possibles, l'art contemporain et la culture de jeunesse. Parmi les initiatives récentes, une exposition lecturne qui a permis de faire entrer à l'université les livres pour enfants et les enfants eux-mêmes, comme l'explique Mathilde. Le site très interactif dédié à ce master donne une foison d'informations sur les arts graphiques, à savoir les techniques, la communication, le design, sur les objectifs culturels de la formation et sur les ouvertures professionnelles. Le lien évidemment s'affiche à notre page. L'autre initiative relève de l'espace Chiasma au Lila, espace indépendant consacré aux arts visuels et à la vidéo. Grande particularité aussi de cet espace, écrit Axel, est qu'il a une politique de rémunération des artistes ainsi qu'une mission de production et de suivi de ces artistes qu'il accueille en résidence. Chiasma ne se résume pas à recevoir aussi des vidéastes ou des graphistes, mais aussi des plasticiens, des médiateurs culturels. Il est composé par exemple d'un collège d'artistes, mais aussi de professionnels du secteur socio-éducatif, des enseignants, des chercheurs, des étudiants, même des psychologues. Il promeut les littératures vivantes avec un festival, relecture. Et puis, dernière originalité, l'espace est en accès libre et assure un rôle d'animateur citoyen avec des cycles dits de société composés de conférences, de colloques et de débats. Chiasma.net, or Chiasma s'écrit K-H-I-A-S-M-A. Et c'est drôlement bien fait. Le programme, comme chaque vendredi, le carnet citoyen avec le magazine La Vie, que vous pouvez voir aussi sur lavie.fr, est consacré à une géniale association de Stein qui fait un énorme travail contre le décrochage scolaire, sans parler du soutien aux familles qu'elle fournit. Sa directrice Zorica Kovacevic est notre première invitée. Daniel Cérézuel est sociologue et directeur scientifique de PADES, programme autoproduction et développement social. Production, encore un concept qui manque de lisibilité et qui mérite d'être mieux compris et assimilé. C'est le rôle de cette association et aussi de l'entretien, seconde partie de ces carnets, avec ce technicien du social en Seine-Saint-Denis. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Zorica Kovacevic, bonjour. Bonjour. Zorica, vous dirigez l'APSIS, Association pour la promotion culturelle intercommunautaire stanoise. Oui. Alors je rends à César ce qui lui appartient, selon la formule. C'est un article de Libé daté du 13 décembre qui nous avait informé de votre association avec le titre des élèves exclus mais pas perdus à Stein, qui a été créé il y a 20 ans par des habitants de votre quartier du Clos Saint-Lazare. Oui. Ce sont des habitants qui ont fait le choix de créer une association qui œuvrerait sur l'accrochage scolaire, de manière à ce que les gamins échappent à la boucle infernale de l'échec. Et il y a 20 ans, il était déjà important. Ah oui, c'était primordial. Ce sont des populations immigrées. Il y a 68 nationalités sur le quartier. Et l'école était vécue, et l'est toujours, comme une stratégie de réussite. Et aujourd'hui, 20 ans après, la situation a empiré, j'imagine ? Oui, parce que les facteurs socio-économiques se sont aggravés et que du coup, ça vient parasiter la concentration et puis l'acharnement à réussir scolairement. Et l'article de Libération rapporte votre histoire, vos démarches. Vous aviez un projet de lutte contre l'exclusion scolaire que vous avez soumis au ministère de l'Éducation nationale, qui ne pouvait pas financer quelque chose qui n'émanait pas de ses services. Et donc, l'année suivante, c'est Claude Bartolone qui a pris en main votre dossier. Oui, parce que l'inspecteur de l'Éducation nationale que nous avions rencontré pour le soumettre à notre projet, Alain Fixig, a été dans le cabinet de Bartolone quand il est arrivé. Et lorsque Claude Bartolone a porté le choix sur les 5 priorités, dont le décrochage, il lui a rappelé notre projet que nous menions depuis 2003. Du coup, on a été immédiatement soutenu par le conseil général, ce qui a permis d'embaucher quelqu'un à temps plein pour mener cette action. Je vais vous poser la question bêtement, mais quelle est votre recette pour lutter contre ce décrochage scolaire ? D'abord, pour le décrochage scolaire, il y a toute une panoplie de projets. Mais pour parler plus particulièrement de l'exclusion, ce qui marche, c'est que nous sommes dans la proximité avec les habitants, et puis surtout cette ancienneté de 20 ans qui fait que nous avons un historique des familles. Puis ce partenariat avec l'éducation nationale, parce que ça fait 20 ans qu'on travaille avec le collège, et du coup, cette tour d'ivoire s'est ouverte et nous permet d'avoir des vrais échanges d'égal à égal et d'avoir un suivi et d'offrir un espace comme tiers dans une relation qui parfois peut être conflictuelle entre, par exemple, l'école et les parents, en venant sur la structure autour d'un café d'une manière conviviale, complètement désamorcée. Sur un terrain neutre, on peut arriver à s'échanger les téléphones portables pour que, si l'enfant dérape, le prof appelle directement, même si c'est à 21h ou à 22h. Si j'essaie de comprendre, Zorica, les défauts qui fabriquent l'exclusion, c'est manque de confiance et manque de dialogue. Parmi d'autres. Ce sont deux mondes qui ne se comprennent pas, avec des logiques qui sont propres à chacun. L'école doit former de la réussite. Maintenant, c'est vrai qu'ils en tiennent compte, mais il n'est pas possible à un prof, quand il a 30 élèves ou 25 élèves face à lui, de tenir compte de chacun des parcours des enfants. Larcher parlait d'un tremplin avec des ressorts. Plus il y a de ressorts dans une vie, plus on peut rebondir facilement quand on tombe, et moins il y en a, eh bien, on rebondit moins bien. Mmh. Et c'est souvent le cas de ces gamins. Et puis, en plus aussi, c'est vrai, il faut se le dire, l'autorité a bougé, ce n'est plus forcément le prof. Mmh. Le gamin, parce qu'on lui a laissé aussi peut-être une place de se sentir l'égal des adultes. Et du coup, c'est déstabilisant et pour l'enfant et pour l'adulte. Alors que chez nous, on n'est vraiment pas intelligent, hein. On n'a pas inventé l'eau chaude. Mmh. On a juste remis chacun à sa place. Donc le gamin, il est là pour les 3-4 jours où il est exclu. Il sait qu'on l'accueille dans une démarche de prévention pour ce qui nous concerne et on va l'aider. Mais c'est pas parce qu'on est gentil que tu peux nous monter sur la tête non plus. Il faudrait encadrer aujourd'hui vos propos, Zorica, pour qu'on mette fin à tous les débats avec les atermoiements sur les désaccords des principes, etc. Là, ce que vous donnez, moi, en tout cas, je suis complètement d'accord avec vous, ça me semble être des fondamentaux. Alors, des fondamentaux que vous pouvez expérimenter aujourd'hui parce que vous bénéficiez donc du fonds d'expérimentation de la jeunesse mis en place par Martin Hirsch. Et alors, cette expérience-là va être bientôt étendue à tout le département. Alors, c'est déjà le cas en partie, car le Conseil général a monté une cellule qui s'appelle la direction de l'enseignement, qui pilote ce dispositif à l'échelon du département et qui essaie de mettre en place ce type de dispositif sur d'autres communes. Actuellement, il y en a 17 autres qui sont parties prenantes. Mais si l'évaluation qui est conduite par le commissariat aboutit à quelque chose de positif, il est envisagé que ce soit étendu à l'échelon de tous les collèges de France. En tout cas, il y a une adresse, un courrier électronique avec l'association et puis aussi les coordonnées postales et le téléphone que vous allez retrouver à notre page Carnet de campagne. C'est absolument génial. Et merci infiniment, Zorica Kovacevic. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je remercie Jean-François qui nous a envoyé une longue lettre pour nous parler d'une association que je trouve absolument remarquable, PADES, un programme autoproduction et développement social. On va vous expliquer évidemment en quoi consiste cette association, surtout qu'au sein du collectif, il y a un directeur scientifique, sociologue, Daniel Cérézuel, qui est en ligne avec nous. Daniel, bonjour. Alors le PADES valorise l'autoproduction, on parle beaucoup de consommation aujourd'hui, on parle encore peu de consommation responsable, on parle peu encore de production responsable parce que j'imagine que l'autoproduction recouvre cela. Oui, il s'agit de produire par soi-même et pour soi-même. Par exemple, en faisant pousser nos légumes, par exemple, en retapant notre logement, en faisant des travaux d'amélioration ou de remise en état ou même d'entretien. Par exemple, en faisant la cuisine, tous nous sommes amenés dans notre vie ordinaire à produire des biens et des services dont nous sommes les producteurs et le consommateur. On ne peut pas imaginer un circuit plus court. Donc, étant consommateur, forcément, j'ai tout à fait intérêt à agir de manière responsable. Donc, je dirais que par définition, l'autoproduction, c'est un des domaines où la production est le plus aisément responsable. Depuis 1996 que vous réalisez, que vous lancez cette promotion à niveau national de l'autoproduction et l'autoproduction accompagnée, on va en dire en quelques mots aussi sur le département qui nous intéresse, on imagine autoproduction, faible revenu ou personne précaire. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, il y a là quelque chose d'erroné. Spontanément, on pense que L'autoproduction, c'est le stigmate de la pauvreté. Oui. C'est une idée fausse, parce que des études statistiques très sérieuses qui ont été réalisées par des organismes publics sur l'emploi du temps des Français ont montré que ce sont les ménages bien intégrés qui, par leur propre activité complémentaire à leur activité salariée, ont le plus de facilité pour améliorer leur mode de vie et leur niveau de vie. Et que, au contraire, ce que nous avons observé, c'est que, finalement, les publics les plus démunis subissent une double peine. La première peine, tout le monde la connaît, c'est que leurs revenus monétaires sont très insuffisants. Mais certains, et beaucoup même, de ces ménages ont une peine qui est redoublée par le fait qu'ils ont des difficultés pour compléter leurs revenus par des activités d'autoproduction. Par exemple, ils n'ont pas accès à un jardin. Par exemple, ils sont dans un logement qui est dégradé, mais ils n'ont pas les outils pour y réaliser des travaux. Parfois même, il manque des savoir-faire. Oui. Et c'est vrai que le rôle de votre association est important dans la mise en réseau, dans la possibilité d'accompagner ces personnes, comme vous l'expliquez, effectivement, à partir du moment où on a de faibles ressources. On a aussi un problème pour accéder à une économie non monétaire, comme c'est le cas avec l'autoproduction. Et alors, dernière chose que je note, c'est que vous cherchez à obtenir le soutien des politiques publiques. Est-ce que vous l'obtenez de façon précise aujourd'hui ? Alors, bon, il faut dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il est important, et ça, c'est pas le PADES qui a inventé ça, ce sont des associations sur le terrain qui étaient confrontées et qui étaient témoins des difficultés sociales. Il est important de mettre en place des actions d'accompagnement à l'autoproduction, justement, dirigées vers les ménages qui, justement, subissent cette double peine. Donc, il y a eu sur en France, depuis une vingtaine d'années, par exemple, quelques associations peu nombreuses qui ont créé des jardins familiaux ou des lopins de terre dans des quartiers en difficulté, visant spécifiquement l'accès au jardinage de subsistance pour des ménages précaires. Même chose pour les ateliers cuisine. Même chose pour l'autoréhabilitation du logement. Il y a quelques associations en France, par exemple les Compagnons Bâtisseurs, mais il y a aussi Habitat Solidarité, enfin il y en a, on en connaît une vingtaine, qui mettent en place une sorte de monitorat technique qui vient les aider au pied du mur à concevoir un projet de remise en état et les aider à le réaliser. Je vous donne ces trois exemples, mais cet accompagnement a un coût. Ça ne doit pas se faire n'importe comment. Et effectivement, un des objectifs du PADES, c'est de justement à la fois de montrer l'utilité de ces actions-là et de donner des références aux institutions sur la manière de soutenir financièrement ces actions, de les accompagner et de leur donner des repères. C'est padesautoproduction.net, un site qui va s'afficher à la page carnet de campagne sur franceinter.com, avec donc ces très très belles démarches et cette expérience qui est lancée depuis 1996 avec Daniel Cérézuel. Merci Daniel et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Comme partout, les reconversions industrielles des territoires ne se font pas facilement. Elles se poursuivent aujourd'hui par des actions de soutien aux petites, voire aux très petites entreprises. C'est sur ce principe qu'est née en 1998 la MIEL, comme le miel, M-I-E-L, Maison de l'Initiative Économique Locale à Saint-Denis. Elle a été créée à l'initiative des villes du territoire de Pleine-Commune et de Saint-Ouen. La MIEL, liée au service économique de l'agglomération, est plutôt bien armée pour suivre ce qu'on appelle les porteurs de projets, donc ceux qui ont envie de créer une petite entreprise et d'aider aussi les entreprises existantes à faire face aux difficultés de développement. Cette maison simplifie les démarches, étend son champ de soutien puisqu'elle s'est vue confier l'animation de la pépinière d'entreprise de Saint-Denis depuis 1998 et celle de la Courneuve depuis 2005. On y trouve sous le site d'ailleurs une opération, sur le site, une opération, la notion de fil rouge. Cette opération permet à la MIEL d'accompagner dans la durée, en commençant par un service d'amorçage de projet, suivi d'un accueil au service développement de Saint-Denis et de sessions de formation proposées tout au long des étapes franchies par le créateur d'entreprise, de promouvoir tous les projets qui tombent sur son bureau. Pour tous les acteurs des TPE, allez sur le site, c'est vraiment intéressant, c'est www.la-miel, donc miel.org, adresse très simple à retenir. Et avant de nous séparer, les prochaines étapes, pour rappel, seront l'Aube, la semaine prochaine, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, et puis ensuite nous partirons en Bretagne, les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Merci pour tous les messages en provenance de ces territoires. Merci à Marie-Hélène Fauquet qui réalisait ces émissions, Emmanuel Fournier. Merci aux techniciens et aux techniciennes de France Inter qui ont élaboré cette semaine, Claudine Lapersonne et Florent Layani aujourd'hui. Et c'est à Bondy que nous rejoignons Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Paillet, pour le jeu des 1 000 euros.